Bonjour à tous, lundi 8 mars 2021, encore une version confinée de plus que du métal, mais une version encore une très très riche, vous allez voir ça. Très très riche, déjà avec le superbe premier morceau du futur, on espère, magnifique album de Gojira. Ça commence fort dans plus que du métal, hein, il faut bien le dire, hein, voilà. Donc Gojira, je cherche le titre, je m'en rappelle plus du titre. Born for One Thing, nouveau titre avec le nouvel album donc qui sortira le 30 avril. Eh bien, que vous dire, on va continuer, je suis d'humeur nouveauté, avec le nouveau Sabaton qui est tombé donc cette semaine, Live Gardette. On va l'écouter, ouais, ça va être très nouveauté, enfin vous avez pas mal de surprises aujourd'hui. Allez, Sabaton, Live Gardette. Voilà, donc Sabaton, Liv Gardett, nouveau titre qui annonce forcément un nouvel album à venir. Parlons de nouvel album, vous le savez certainement tous, Rammstein, les rumeurs de Rammstein nous sont parvenues cette semaine et il paraîtrait qu'il y a un nouvel album qui a été enregistré. On les espère toujours les voir pour ma part à Lyon le 9 juillet si mes souvenirs sont bons. Et peut-être avec de nouveaux titres. Deux albums mis à l'honneur aujourd'hui, c'est les 25 ans du fabuleux album de Sepultura, Roots. Album où il n'y a rien acheté, malheureusement le dernier album avec Max Cavalera, avec les influences brésiliennes qui se marient magnifiquement bien avec leur thrash metal. Nous allons pas écouter Roots aujourd'hui, nous allons écouter un autre titre, Ratama Ata, qui montre bien aussi cette influence indienne dans laquelle ils ont mis leur album. Allez, on l'écoute et juste après on verra les 35 ans d'un album, je vous laisse deviner lequel. Oh! Voilà, donc 25 ans que ce fabuleux album de Sepultura, certainement le meilleur, hein. Bon, il y a Rise, Chaos Day quand même, qui sont très sympathiques, nous est parvenu. Il a pas pris une ride, hein, pour moi, franchement, je dirais que c'est un des plus bels albums de trash qui a été fait dans toute l'histoire du trash. Allez, juste avant de vous annoncer les 35 ans de l'album, donc un autre album très célèbre, on va vite parce qu'en fait, je vous les avais déjà donnés. Ça vient de tomber, le Download Festival 2022 avec les trois premières têtes d'affiche Dunning Tank Part, 10 au 12 juin 2022. Les trois têtes d'affiche seront Kiss, Iron Maiden et Biffy Clyro. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne, que 2022 va être une année à concert, à festival. Pour ma part, moi, ça fait un an, ça y est, un an que j'ai été voir Slipknot, c'était mon dernier concert. Petite larme. Allez, les 35 ans de l'album Master of Puppets, album de Metallica, exceptionnel. C'est pareil, les titres foisonnent, Master of Puppets, Orion, et là on va écouter Battery, c'est un titre en fait qu'ils ont passé au Light Show avec Stephen Colbert, donc c'est tout récent, c'est tout neuf, c'est tout beau, on va pas passer Master of Puppets, pour une fois on va passer Battery. Yeah. Break from the ordinary, do what's necessary, pray. Pray for death, pray for ecstasy. Skin of the human shell so broken and frail. Lock the gates behind the heavy saints. Donc batterie et directement on enchaîne Moonspell The Hermit Saints, le dernier titre officiel donc de Moonspell, et bah du coup nous allons enchaîner avec les nouveautés donc du mois de mars. Nouveauté album, hein, bien entendu. Avec le 12 mars, on en a déjà parlé dans Plus que du métal, Rob Zombie qui sort The Lunar Ingenuum Cool et Eclipse Conspira. Le Thunder, les vétérans de Thunder, donc qui ressortent un album The Right Noise. 12 mars, toujours Ordon avec Organ. Ordon Organ, donc qui vont sortir un nouvel album. On écoutera peut-être, on écoutera juste pour curiosité. Le 19 mars, on en a parlé le mois dernier aussi avec Serge Tankian, Elasticity. Saxon, Inspiration, un album de reprise. Lunar Shadow, With Wish to Live. Toujours le 26 mars, et ben là c'est l'album tant attendu d'Evanescence. Le titre sera The Bitter Truth. On écoutera un petit morceau d'ailleurs juste par la suite. Le 26 mars, toujours le live de Lamb of God, Live in Richmond. Et ben d'ailleurs, puisqu'on est fou ici dans Plus que du Métal, on va écouter, on va enchaîner. Un titre de Evanescence, Better Without You, et un titre de Lamb of God tiré du live Ghost Shaped People. Allez, on enchaîne. Bon bah voilà, hein, ça déménage, donc je rappelle, hein, le futur Evanescence très attendu, hein, The Bitter Truth le 26 mars, Lamb of God de 26 mars, un peu moins attendu, faut quand même le dire, Live in Richmond, donc tout ça, ça sort au mois de mars, en espérant bientôt tous les voir en concert. C'est du métal, mais c'est pas du métal, vous savez, il y a toujours une petite rubrique, un rapport avec le métal, mais ce n'est pas forcément. Aujourd'hui, c'est Peter Benz qui fait rencontrer au piano le célèbre Thunderstruck d'AC/DC avec du Beethoven. Piano, AC/DC, Thunderstruck, Beethoven, on y voit un peu de tout. Allez, on continue dans les nouveautés, on va en enchaîner deux aussi, hein, c'est pas mal le principe de deux nouveautés. Donc on va écouter Ordon Hogan, hein, puisque avec le titre Inferno, enfin, moi personnellement je ne connaissais pas, pour revenir à un titre un peu plus traditionnel, Miles Kennedy, frontman de Alter Bridge, sort donc un album solo avec comme premier titre In Stride. Allez, on écoute tout ça. Thank you.

ça y est, il est l'heure de se quitter. La prochaine édition de Plus que du métal, ce sera le lundi 12 avril. Et en attendant, eh bien, on se quitte avec Nervosa, Guide by Evil.